18 février 1838. J'ai rapporté ce matin des fleurs à Hélène. C'étaient des roses qui avaient été embarquées il y a quelques semaines à Constantinople et qui ont été gardées intactes par un procédé scientifique que j'ignore. C'est un ami qui me les avait données et naturellement j'en ai fait cadeau à ma bien-aimée. Mais dès qu'elle les a vues, elle s'est mise à sangloter. Pourquoi, me dit-elle, avoir tué ces fleurs? J'avoue que je ne compris pas sur l'instant. Comment tuer, lui dis-je. Oui, me répondit-elle, elles sont toutes pâles. Qui donc a bu leur sang? Je lui expliquai que c'étaient des roses blanches, et que c'était précisément leur pâleur laiteuse qui en faisait tout le prix. J'eus beau lui dire qu'elles avaient poussé sans doute dans le jardin de quelque calife d'Anatolie, que peut-être même elles venaient de Bagdad, pays des roses. Je lui racontai qu'elles avaient peut-être été baisées par les lèvres des sultanes. Mais toute cette poésie a été inutile. Hélène continua de pleurer et de gémir. On a tué ces fleurs. Pourquoi a-t-on tué ces fleurs? Qui donc a bu le sang de ces fleurs? Elle a même eu une crise de nerfs. J'ai été obligé d'appeler Bulwer, qui l'a calmé un peu. Mais j'en ai profité pour dire à ce vieil ami qu'Hélène lisait le livre des vampires et qu'il devrait le lui interdire aussi. C'est ce qu'il a fait. « N'en doute pas, m'a-t-il dit, c'est ce livre-là qui lui inspirait cette réflexion. Qui donc a bu le sang des fleurs ?»« En effet, j'ai ouvert le volume et j'y ai vu des choses qui frapperaient les esprits les moins susceptibles de se laisser atteindre par la superstition. J'ai lu qu'un vampire qui se nourrissait du sang des hommes pouvait vivre dans des cercueils remplis de terre maudite, la terre des champs de la mort noire, que c'était de cette terre-là que les vampires tiraient leur force. » Et autres balivernes de ce genre. Évidemment, à moi, cela ne me fait rien, mais je comprends qu'une femme soit fort impressionnée. Il y a bien des hommes qui s'y laissent prendre. Mon patron, M. Knock, croit dur comme fer à l'existence des vampires, et je ne peux jamais lui parler de ce sujet-là, parce que je sais que nous nous disputerions vite. Mon Dieu, qu'on a donc du mal à vivre tranquille. A-t-on besoin de se fourrer dans la tête des histoires aussi pénibles ?